Voici, en une heure, 35 nouveaux extraits tirés des livres 10 à 20 des Nuits Attiques d'Aulus Gellius, écrivain latin du IIe siècle de notre ère, passé à la postérité sous le nom d'Olugel. Choix des textes et enregistrements de Jean-Paul Lexis, mars 2017.